Chapitre 14. Quand le prince de Hennig fut en route pour Cologne, Adeline put enfin s'expliquer avec Frédéric et lui demander l'expulsion du croupier Julien et du garçon de jeu qui changeait si bien la monnaie, ce qu'il fit franchement, sévèrement. Au premier mot, l'émoi de Frédéric fut vif. Un agent en cercle? Qu'avait-il vu? Qu'avait-il dit? Que savait le président? Aussi écoutait-il sans interrompre une seule fois. Avant de se lancer, il fallait être renseigné. Ce fut seulement quand Adeline fut arrivée au bout de son réquisitoire qu'il prit la parole, d'un air consterné et aussi outragé. « D'abord, je dois vous dire qu'avant une heure, Julien et Théodore seront chassés du cercle. Ce sont des misérables, qui méritent d'autant moins de pitié que nous avons plus de confiance en eux. J'avoue que de ce côté, je suis en faute. J'ai péché par trop de confiance précisément. Je ne les ai point surveillés avec les yeux du soupçon. Je suis dans mon tort, je le reconnais. » Il avait évité ce petit couplet la tête basse, humblement, mais il la releva et reprit sa fierté, son air mucidant. « Maintenant, permettez-moi d'ajouter que je suis plus que surpris, plus que peiné, en un mot, profondément blessé. Que tout ce qui vient de se passer se soit fait en dehors de moi, par-dessus ma tête, en me tenant à l'écart, comme si je n'avais pas la responsabilité de l'administration de ce cercle. Vous comprendrez donc que je vous demande les raisons pour lesquelles vous avez agi de cette façon. » Cette susceptibilité était trop légitime pour qu'Adeline s'en fâchât. Il en attendait même l'explosion. Et il n'eut pas compris que chez un homme comme le vicomte, elle n'éclata point. Aussi sa réponse était-elle prête. « J'ai dû me conformer au désir du préfet. Le service qu'il m'a rendu, qu'il nous a rendu, était assez grand pour que je n'eusse qu'à accepter les conditions qu'il mettait à son concours. » Il fallait accepter cette explication ou se fâcher. Frédéric ne se fâcha point. Il avait mieux à faire. C'était d'amener Adeline à parler longuement de cet agent, afin de savoir juste jusqu'où celui-ci avait été dans ses découvertes. Mais Adeline avait tout dit, il ne put que se répéter. Alors Frédéric expliqua son insistance. Il voulait savoir. Il chercha à profiter des observations de cet agent, non pour le passé, mais pour l'avenir. Il ne fallait pas que ce qui venait d'arriver puisse se reproduire, non seulement avec les croupiers et les garçons de jeu, mais encore avec les Grecs, comme le prince de Hennig. La tricherie de celui-ci avait été si originale, si audacieuse, qu'elle l'avait trompé. Malgré les soupçons que cette sûreté de tirage et cette veine invraisemblable provoquaient, il n'avait pu la découvrir. Mais dorénavant, des précautions seraient prises qui empêcheraient toute fraude. On ne se servirait plus que de cartes unies et on taillerait avec trois jeux de couleurs différentes, blanc, rose, chamois, ce qui couperait radicalement le filage. Tous les soirs, les cartes ayant servi seraient brûlées devant les joueurs. À la vérité, ce serait une perte de 5 ou 6 000 francs par an que produisait la revente de ces cartes, mais la sécurité absolue ne saurait se payer trop cher. D'ailleurs, cette leçon donnée aux autres cercles, qui malgré les prohibitions légales vendent leurs cartes, serait productive. Elle prouvera une fois de plus que, bien décidément, le grand I était un cercle modèle. Que le grand I dût devenir, dans un temps donné, plus cercle modèle qu'il ne l'était déjà, cela ne pouvait pas changer les résolutions d'Adeline. Depuis que le préfet lui avait dit « On triche chez vous », il avait vécu sous le poids écrasant d'une obsession qui ne le lâchait ni jour ni nuit. Il se voyait devant le tribunal obligé de répondre comme témoin aux questions du président et d'écouter de la tête basse ses admonestations. Que de demandes mortifiantes pour son caractère, blessantes pour son honneur, ne lui adresserait-on point? Et tout en entendant les questions sévères ou bienveillantes du président, tout en voyant son sourire narquois ou dédaigneux, il se répétait les paroles du père Haeck. Laissez ces gens-là leur plaisir. Ce n'est pas seulement pour la fortune que la famille est bonne. Alors, dans cette agitation tumultueuse, il avait fait un vœu comme le marin au milieu de la tempête. Il s'échappait au danger qui le menaçait. Il renoncerait à cette existence si peu faite pour lui. Et suivant le conseil du père Haeck, il laisserait ces gens à leur plaisir, qui n'étaient pas du tout les siens. Jamais il n'avait fait son examen de conscience avec cette anxiété et cette intensité de pensée. Que lui avait-elle donné, cette existence qu'il n'avait acceptée qu'en vue du résultat que l'imagination lui montrait si superbe, et que la réalité s'obstinait à tenir aussi éloignée qu'au premier jour? quelles affaires bonnes pour ses intérêts personnels lui avait apporté cette présidence qui devait lui créer tant de relations utiles. Aucune. Si, laissant de côté son intérêt personnel, il ne prenait souci que de l'intérêt général, il était bien forcé de s'avouer aussi que cette fondation de son cercle, qui devait concourir au développement de la vie brillante à Paris, avait tout simplement concouru au développement du jeu. Où étaient-ils, les commerçants que le cercle avait enrichis? Il ne les voyait pas, tandis qu'il ne voyait que trop bien ceux qu'il avait appauvris ou ruinés, lui, tout le premier. Car le plus clair de cette misérable aventure, c'était sa dette à la caisse du cercle, les 60 000 francs qui, à cette heure, en formaient le chiffre. Cependant, malgré cette dette, il fallait qu'il accomplisse son vœu, et qu'en donnant sa démission, il reprît sa liberté, sa dignité. Il n'y avait pas à hésiter, pas à balancer. Le repos, l'honneur, peut-être, était à ce prix. Ce qu'il avait vu pendant ces quelques jours, ce qu'il avait appris, l'épouvantait. Et quoi? C'étaient là les mœurs de ce monde. Le vol, partout le vol, en haut comme en bas, pas une main nette, et toutes ces hontes, il les couvrait de son nom. Allons chez Adeline. C'était chez Adeline que les croupiers étouffaient les jetons. Chez Adeline que le prince de Hennig volait au jeu. Deux siècles de travail et de probité aboutissaient à ce résultat. Son parti était pris. Coûte que coûte, il fallait qu'il sortît de cet enfer, qui ne dévorait pas seulement sa fortune et son honneur, mais qui le dévorait lui-même, du moins ce qu'il y avait de bon en lui, pour n'y laisser que ce qui s'y trouvait de mauvais. S'il est des passions qui élèvent le cœur et l'esprit, ce n'est pas précisément celle du jeu. Depuis qu'il était à son cercle, tous les genres de joueurs lui avaient passé devant les yeux, et dans des conditions où la bête humaine se livre le plus franchement. Il ne voulait pas leur ressembler. À la vérité, c'était renoncer aux espérances qu'il avait caressées pour Berthe. Mais pouvait-il payer de son honneur la dot qu'il avait cru lui gagner? Elle serait la première à ne pas le vouloir. Lorsque Frédéric le quitta pour aller congédier Julien et Théodore, il n'hésita pas une minute, contrairement à ce qui arrivait toujours lorsqu'il avait une résolution difficile à prendre. Il quitta le Grand I et partit pour Elbeuf, car avant de donner sa démission, il fallait qu'il s'acquittât à la caisse, ce qui n'était possible qu'en redemandant à sa femme les 35 000 francs qu'il avait envoyés quand il avait joué pour la première fois et en arrangeant avec elle une combinaison pour se procurer les 25 000 autres. Quelle douleur pour la pauvre femme, pour lui, quelle humiliation! L'affaire du prince l'avait empêché d'aller à Elbeuf comme à l'ordinaire. Il envoyait une dépêche à sa femme pour lui annoncer son arrivée, et quand il entra dans la salle à manger, il trouva tout son monde l'attendant devant la table mise, la maman dans son fauteuil, sa femme, Berthe et Léonie. « Comme tu es gentil de nous rendre le samedi que tu ne nous avais pas donné, » dit Berthe en l'embrassant. « Alors, la politique chauffe, » dit la maman. Depuis que la maman s'était expliquée sur le mariage de Berthe avec Michel, elle ne parlait plus que de politique quand il venait passer un jour à Elbeuf. C'était sa manière de protester contre ce mariage. Elle ne boudait pas, mais elle évitait les sujets où il aurait pu être question d'intérêt de famille. Comme, de leur côté, Adeline et Madame Adeline ne tenaient pas moins à ce que ces sujets ne fussent pas abordés, et comme Lucien, Berthe veillait à ne pas offrir à sa grand-mère la plus légère occasion de manifester franchement ou par des allusions son hostilité, c'était des conversations politiques sans fin auxquelles tout le monde prenait part. Mais ce soir-là, la politique elle-même languit, et plus d'une fois, Adeline préoccupée laissa tomber l'entretien sans continuer avec sa mère la discussion commencée. « Irons-nous demain aux Tuileries ?» demanda Berthe, toujours désireuse de ses promenades avec son père. « Non, je repars demain matin pour Paris. » Aussitôt après le souper, Adeline roula sa mère chez elle, puis, ayant embrassé sa fille et Léonie, il passa dans le bureau avec sa femme. « Qu'as-tu ? » demanda celle-ci quand la porte fut refermée. « Comme tu es préoccupée ce soir. Une chose grave, qui va te causer un grand chagrin, et qui me cause à moi une cruelle humiliation. » Elle le regarda, effrayée. Il détourna les yeux. Alors elle vint à lui, et lui passant le bras autour du cou par un geste maternel, elle se pencha à son oreille. « Tu as joué ?» dit-elle à voix basse, sans le regarder. « Oui. Mon pauvre Constant. J'étais entraîné. Une fatalité. Je pense bien. » Le premier coup porté, elle s'était remise un peu, bien que le plus dur ne fût pas dit. « Combien ? » demanda-t-elle. « il me faut 25 000 francs. Bien que dans leur situation la somme fût très grosse, elle avait craint le malheur plus grand encore. « Nous les trouverons. Ne t'inquiète pas, » dit-elle, puis voulant le relever. « C'est un accident, » dit-elle, « une faillite. Justement, nous ne l'avons pas eu cette année. « Chère femme, » murmura-t-il, « quelle bonté en toi, quelle indulgence. « Veux-tu bien te taire, » dit-elle, en essayant de sourire pour ne pas pleurer. « Est-ce qu'il doit être question d'indulgence entre nous ? Plus que jamais, car je ne t'ai pas tout dit. Mon Dieu !» En effet, le hasard de l'entretien, et aussi la confusion, l'embarras, la préoccupation d'amoindrir la force du coup qu'il allait porter à sa femme, avaient changé la marche qu'Adeline voulait suivre. C'était 25 000 francs ajoutés aux 35 000 mis de côté sur son gain qu'il lui fallait. Tu sais les 35 000 francs de la faillite Beaujour ? Ils ne provenaient pas de la faillite Beaujour. Qui t'a dit ? Tu les avais gagnés au jeu ? Il la regarda interdit. Est-ce que tu sais mentir ? Crois-tu qu'on peut vivre pendant 26 ans unis de cœur et de pensée sans se connaître et sans lire l'un dans l'autre ? Quand tu m'as parlé de ces 35 000 francs, j'ai bien vu d'où ils venaient. Et c'est là ce qui depuis a fait mon tourment. Puisque tu avais joué, tu pouvais jouer encore. Je tremblais. Que de fois j'ai voulu te le dire. Et puis j'attendais pour te laisser commencer. J'étais si bien certaine que ces 35 000 francs provenaient du jeu et que tu me les redemanderais un jour que je n'ai jamais voulu les employer. Ils sont à ta disposition, il n'y a qu'à les prendre. Il la serra dans ses bras. Nous aurions toujours été heureux que je ne te connaîtrais pas, s'écria-t-il avec effusion. C'est donc 60 000 francs que tu dois, interrompit-elle. Oui. Eh bien, je trouve comme un soulagement à le savoir. J'ai l'esprit ainsi fait d'aller toujours au pire. J'ai craint plus que ça bien souvent. J'ai vu tout perdu. Que de fois je me suis réveillé, ruiné, dans la rue, sans rien. Tu vois ce qu'a été ma vie depuis que ces 35 000 francs maudits me sont arrivés. Et puis, si tu décides à payer ces 60 000 francs, c'est que tu renonces, n'est-ce pas, à les rattraper par le jeu. Ce n'est pas seulement à les rattraper que je renonce, c'est aussi à la présidence du cercle. Ah, Constant, s'écria-t-elle. Comme c'est à la caisse que je dois cette somme, je ne peux pas me retirer sans la payer. Aussitôt que j'aurai payé, je donnerai ma démission. Tu la paieras, dès demain, s'écria-t-elle. Ce n'est pas acheter notre repos trop cher. Tout de suite, ouvrant la caisse, elle chercha dans son portefeuille les valeurs avec lesquelles elle pouvait faire ses 25 000 francs. « Nous nous en tirons encore à peu près, » dit-elle. « Tout pouvait y rester, même l'honneur. » Et il lui raconta comment il s'était résolu à donner sa démission.